Silence, les dunes s'ouvrent, une voix approche. Rider's Keel, porté par les ancêtres. Le sable est mémoire, il garde chaque pas. Chaque erreur, chaque victoire, comme un écho qu'on ne voit pas. Vent sans bruit dans l'invisible, près de ce qu'il guide, toujours lisible. Je suis le souffle entre deux rafales, je suis l'attente dans l'arène pâle. Je n'élève pas la voix, elle parle quand l'heure décline, les machines oublient. Inscrit sa direction, grave silence, lumière tamisée, le stream devient une pensée sacrée, chavouée, un témoin discret de la marche lente d'un secret, et de ce qu'il marche entre les monts, sous le sable, les voix profondes, le désert, l'écoute et le record, et de ce qu'il jamais ne disparaît. Mais mes fondations vibrent, elles embrassent. Rider's Keel n'est pas un joueur, c'est une présence, une lueur. Le live devient rituel, le temps suspendu, essentiel. Et chaque moment partagé ici transforme le désert en infini. Rider's Keel.